Hey. Chaque bilan des astres, sauf né vers les astres. J'empile les affres, je suis gentil mais affre. Je parle de moi comme produit de l'environnement. Si violent, le temps pas les lames noires, l'horizon grisonnant. Bébé m'en veux pas, j'ai autre chose à foutre que t'envoyer SMS. Y'a plein de trucs dans ton cul qui ne devraient pas y être comme matraque de CRS. L'homme est mauvais s'il pouvait s'immoler. Maigre vertu pour liasse pas très épaisse. C'est la kermesse, on a réduit à une boucle de ceinture la sagesse d'Hermès. Salon de massage fermé, série de patates à la Pégase dans le nez. Je recherche le nirvana, je vais m'absenter. Je me défonce, je perds mon temps et ma santé. Sur la table de Ouija, ça fait V-A-L-D. Mes démons m'aident à chanter. Salope pas tenté, me dis viens. Je m'ennuie déjà et je suis même pas rentré. Comment je peux te faire confiance, tu te vantes de surveiller l'ennemi devant ton propre miroir. Tous ces fils de pute, je les oublie pas. J'ai mis leur patronyme dans mon grimoire. NQNT l'acronyme, baise l'industrie, la coquine. Tu le vois à nos mines, qu'au moins nos besoins s'appauvrissent, si nos cœurs s'atrophient. Chaque bilan des astres, sauf né vers les astres. J'empile les affres, je suis gentil mais affreux. Je parle de moi comme produit de l'environnement. Si violent, le temps pas les lames noires, l'horizon grisonnant. Je me mets la tête à l'envers dès que je peux. Je le fais même sur la pochette. Tu veux quoi, wesh, mon buzz ou mon blé? Une photo, fais pas genre, tu tapes juste la causette. J'ai vu tous les lights to me, t'essaies de me la faire à l'envers, j'ai repéré ta faussette. Ta gâte dans la chaussette, je dois m'occuper des miens, poudre de lait, arrête la dosette. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai décidé de les ken à la 90e. Tu me parles, tu vois bien que je suis ailleurs, à l'affût des parchemins qui viennent. Ton chemin est tracé, les dieux et les esclavagistes l'ont déjà balisé. Arrête tes conneries, éteins ta télé, tu vas finir par croire leur baliverne. J'pense beaucoup à moi, un peu moins aux sans-abri qui ne passeront pas l'hiver. On s'habitue à tout, tout le monde me suce, personne ne m'aime et je commence à m'y faire. T'es choqué du test salivaire, j'suis le plus joyeux de tous les mammifères. Petit sourire en coin sur la civière, la mort pour seul happy end. Chaque bilan des astres, sauf né vers les astres. J'empile les affres, je suis gentil mais affre. Je parle de moi comme produit de l'environnement. Si violent, le temps pas les lames noires, l'horizon grisonnant. Gros coup de fusil dans rotule, un jour pisse, un jour non, ça module. Je m'envole au-dessus de la cohue, avant de finir au cimetière de la commune. Ferme ta grande gueule, ça pollue. T'as les couilles, on dirait des ovules. NQNT, MQM, QMB, Momo Motus. J'suis le problème et la soluce. J'ai le totem et l'œil d'Horus. J'ai toujours dans la poche un bonus. J'ai frite en position du Lotus. 9-3, y'a pas de tir au but. Tu cherchais l'amour, mais t'es parti au put. J'dis n'importe quoi, c'est connu. J'fais n'importe quoi, mais j'en oublie aucune. Chaque bilan des astres, sauf né vers les astres. J'empile les affres, j'suis gentil mais affreux. Je parle de moi comme produit de l'environnement. Si violent, le temps pas les larmes.